erreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en mettre. Laurent Malouda. On va le refaire aussi celui-là. Non, mais tu sais qu'au départ, je devais être sur CFoot, mais ils m'ont dit qu'en comique, ils avaient Jeannot Rességuier. J'ai dit, je peux pas lutter. Qu'est-ce que je fais? Ah, ça va lui plaire, ça. Ah, mais non, c'est un clin d'œil de début parce qu'il est dans mon jingle. C'est mon Jeannot, quoi. En plus, il vient de se branler, le pauvre, à domicile. Non, mais assume, pourquoi t'assumes pas? Mais parce que j'assume. Non, parce que c'est pas un rigolo. Excuse-moi. J'aimerais que d'autres disent autant de choses sur le foot que lui. Hein, ça serait beau. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce que c'est bien? Alors, écoutez, je suis très content de revenir parce que ça fait toujours plaisir. Hein, c'est vous m'avez manqué, les gars. Hein, vraiment, sans déconner. Et est-ce qu'ils sont là, encore les drôles de dames? Ok, donc yo. C'est un retour gagnant. Donc, salut Fifi. Polo. Je suis là. Mais Polo, il a pas le choix. Et les portes sont bloquées. On a mis les codes. Donc Fifi, je voulais parler à Fifi. Fifi qui a dit que par rapport à Gervinho, ce qu'a fait Gervinho, on n'aurait jamais vu Thierry Henry rire après une défaite. Je te rappelle que Thierry Henry rigolait même pas après un triplé contre la Roma. Il rigolait jamais, Thierry Henry. Donc effectivement, il n'aurait pas fait comme Gervinho. Et ce qui est génial, c'est que Daniel, il trouve que Gervinho, il abuse parce qu'il pense pas aux supporters d'Arsenal. C'est vrai que les supporters d'Arsenal, ils regardent tous Lille-Marseille. Ça, c'est bien connu, quoi. Les mecs, ils sont dégoûtés. Ils se regardent tranquillement. Tu sais, t'es supporter d'Arsenal. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire dimanche soir? Je vais regarder Lille-Marseille. Et là, je vois Gervinho. Ah, puis je vois Gervinho, tu vois. Ils ont que ça à foutre, les mecs. Non. Je te rappelle que les footix, ils sont chez nous. Ils sont pas chez eux, Daniel. C'est-à-dire que peut-être les supporters d'Arsenal qui habitent Lille. Ça c'est possible. Donc, revenir quand même sur une Ligue 1 qui est quand même un petit peu fatiguée. Bon, alors, il y avait eu quoi? Braga, c'est tout balle, aujourd'hui? Ah, tu veux savoir? Ouais. C'est tout bas, Braga 1-0 pour Braga et National Madère Benfica. Ok, Bracas contre C'est tout nul. C'était Monaco-Lens, ça a fait quoi? 2-2. Ah voilà, donc Lens, on dit souvent que les clubs n'anticipent pas sur les saisons d'après. Eux, ils ont pris Jean-Luc Maurice, ils anticipent déjà le National pour l'an prochain. Et ça, c'est quand même très fort, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un an d'avance. Peu de clubs le font. Donc là, respect. On a parlé de Ribéry. Ribéry qui dit qu'il était à deux doigts de gagner en 2006, mais quand même lui rappeler qu'il était à cinq doigts de pas se qualifier en 2010. Donc, faut quand même lui rappeler. Et Eto. Alors Eto qui dit qu'il est un aventurier. C'est un peu Indiana Jones, Eto. Après, il y a eu l'arche perdue, le crâne de cristal. Là, c'est Indiana Jones et les couilles en or. C'est un nouvel épisode. C'est peut-être le plus intéressant au final. Hein. Mais l'intérêt à avoir autre chose que sa bite et son couteau, parce qu'ils rigolent pas là-bas. Puis il paraît qu'on peut pas prendre le métro, tu sais, quand on est noir. Il y a un mec qui nous avait sorti ça. Ah, on pouvait pas prendre russe, le métro en Russie quand on est noir. Il est génial, le mec. Alors, il y a un petit jeune dans Ligue 1 qui s'appelle Sidi Koné, qui a déjà quand même bien taclé, le mec. Donc, on peut déjà dire que c'est pas un saint, Sidi Koné. Et ça, c'est un cadeau de l'after. Direct, celle-là. Pour ceux qui la comprennent. C'est pas un saint Sidi Koné. Oh, saint Sidi Koné, Daniel! Ouais, t'es plus dedans. T'es plus dedans. Si, Parc, alors. Ça, c'est une blague M6. Ouais, c'est vrai. Ça commence. Confond pas tes médias. Ah, ça commence. Confond pas tes médias. Il y a des choses qu'ici, on pourra pas laisser passer, tu vois. Haut niveau. Attends, tu sais ce que tu fais? Garde-la pour dimanche. Moi, je serai vous. Avant de parler de haut niveau, repodcaster la moitié de ce que vous dites depuis une semaine. Et vous allez être édifiés. Garde-la pour une tournée en province là, mais ça cette fait... semaine. Là, mais heureusement que je suis soutenu. Heureusement que je suis soutenu. Putain, j'avais un pont d'or de Radio-Télé Luxembourg. Mais bref, ok, j'aurais dû faire comme Park. C'est lui qui avait raison. J'aurais dû me tirer et vous laisser tous là comme des cons. Hein, à la porte de Brancion, là, je sais pas où vous êtes. Park d'ailleurs. Park qui s'est. On aurait pris, comment il s'appelle, Séraphine? Oh, le pauvre, il connaît rien au foot, mais t'as pas idée, quoi. Par contre, il s'est vachement bien blessé, les mecs. Ouais, et alors que ce soit entendu comme moi? C'est ça que tu veux dire, Daniel? Mais t'es vraiment une petite catin. Tu démarres mal, entendu. Je suis au top. Non, je vais dire un truc, je suis énervé parce que cette histoire de Qatari qui vient au Paris Saint-Germain, ça m'exaspère parce que je trouve que c'est scandaleux que des gens mettent de l'argent pour acheter des joueurs. Enfin, je veux dire, moi, je suis comme tout le monde. Je trouve ça hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça dans un club. Des gens arrivent, ils mettent de l'argent, ils achètent des joueurs. Non, mais c'est n'importe quoi. Faut arrêter cette déferlante. Voilà, quoi. Donc, je suis scandalisé. Donc, Park, il s'est barré dans la nuit. Alors, moi, je me mets à sa place. Le mec, t'as déjà passé une nuit à Lille, Gilbert. Franchement. Bah, la nuit dernière. Franchement. Bah, t'as pas eu envie de te barrer? Mais tu m'étonnes. Le gars, c'est bienvenu chez les ch'tis. Sauf que t'as Martine Aubry à la place de Danny Boone. Mais t'as envie de te casser, quoi. Gignac, il a fait pareil. Le mec, il a découvert le Nord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le mec, il vient de Monaco. Il y a des casinos, des belles gonzesses et des bagnoles. Mais qui se retrouve à Lille. T'as quoi? T'as un géant casino. Les hôtesses de caisse, c'est pas le même niveau, hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers Calais. À pied, il plonge, il nage et il arrive en Angleterre. Mais comprenez-le, c'était welcome le film. Ah non, mais franchement, s'il y a bien un mec qu'on peut comprendre, c'est lui, quoi. Oh non, non mais faites, je vous jure, vivez un an à Monaco et partez à Lille. Le maire de Lens sur le dos, toi, fais attention. Le maire de Lens ? Non, il parlait de Lille. Oui, bah oui, mais Guy Delcourt, non, mais pour lui, sortir pour lui, c'est pareil. D'ailleurs, Guy Delcourt, c'est pas lui qui avait dit que lui, les Qataris seraient jamais venus à Lens, hein, parce qu'il trouvait ça scandaleux. Hein. C'est vrai qu'en même temps, il a Martel, hein, avant qu'il y ait les Arabes qui arrivent. Il est pas prêt. Oui, oh, oui. Oh là là là là. Alors ça. Bref, donc. Ouais, bref, donc. Gervais Charles Martel. Lui, il est pas prêt qu'ils arrivent. Si ça peut le rassurer, je crois pas que les Qataris aient pour intention d'aller à Lens. Hein. Je veux juste le dire, si ça peut le rassurer. Leonardo qui arrive au PSG, c'est vrai que tout a changé. Tout a changé, t'as l'impression que c'est le PSG du Brésil, c'est le PSG. Sauf un truc, Siaka Tiené. C'est la tâche. Siaka Tiené, on sait pas, c'est le choc. Et il y a un auditeur qui a dit, c'est une quiche. Non, c'est pas vrai, les quiches, c'est en Lorraine. Par exemple, je te prends un exemple, qu'est-ce qu'il y a en Lorraine? Il y a Nancy, bah paf, ça marche. Tu vois, tu regardes bien l'équipe, c'est les quiches. Non mais Siaka Tiené... Siaka Tiené, si tu veux, c'est qu'à moi, j'ai l'impression qu'il a voulu jouer la carte de la nostalgie. Tiens, parce que je sais pas si tu te rappelles que quand lui, il était, tu vois, comme s'il voulait dire, regardez les mecs, regardez ce qu'on a vécu. Siaka Tiené, c'est un peu comme un bout de mur de Berlin que tu gardes, tu sais, à Berlin, pour dire, regardez, rappelez-vous. On a vécu ça. Si, il y a encore un bout à Berlin. Arrête, ils l'ont fait après. Ah bon? Celui qui est Robert Noer? Mais je me l'écoute en chantant Balavoine, je me le regarde et tout, les yeux pleins de larmes. C'est pas un vrai? C'est pas un vrai bout de mur? Oh merde! Non, mais c'est une façon de dire, regardez d'où on vient, les gars. Quand tu vois Siaka Tiené, tu dis, regardez, on n'a pas storé, mais regardez d'où on vient. Tu vois, c'est une espèce de truc, c'est comme Kennedy quand il dit, ich bin ein Berliner, je suis une grosse voiture, tu vois, il y a toute l'émotion. D'ailleurs, en parlant de Kennedy, c'est marrant parce que ça tombe bien, parce que l'arrière gauche de l'époque de Leonardo, c'était qui? Eh oui. C'était Kennedy! Eh oui, hein, Kennedy, hein, il nous a fait regretter l'Harvey Oswald à l'époque. ce défenseur. C'est vrai qu'avec lui, on regrettait Harvey Oswald. Et on se dit que son niveau de jeu. City, ouais, son niveau de jeu à Kennedy, c'est peut-être encore une partie de la malédiction des Kennedy. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui touche cette famille. C'est bizarre, quoi. C'est pas des winners. Enfin, bref. Le FC Nantes qui nous désespère. Hein, ça gagne pas. Ils ont eu 4-0, puis hop, ils retombent dans leur travers. Ils ont eu une défaite à l'extérieur contre Tours avec un Sylvain Wittord assez décevant. Et c'est étonnant parce que je pensais que Tournante, c'était son match. Tu vas dire Tournante, je me suis dit Sylvain Wittord. Ouais. Bon. Ah là, mais moi, je me dis, s'il y a bien un match pour Sylvain Wittord, c'est Tournante. Eh ben non. Je comprends pas. Il y a plus de valeur. Il n'y a plus rien, tout part en couille. Et je vous parle même pas de l'Olympique de Marseille. L'équipe de Deschamps, les Deschiens, on les reconnaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont, les Deschiens, là? Tu vois ce qui se passe, là, les Gamorelles? Les Gamorelles, ils vont pas du tout, là. Il faut qu'ils reprennent un petit peu du gibolin, hein. Ah, parce que le petit Lochet, là, le petit Bruno Lucho Gonzalez, hein. Alors, j'ai envie de dire Gonzalez, va donc chez Speedy, hein. Parce que c'est pas Speedy Gonzalez, hein. Attention, Speedy Gonzalez, pas confondre avec Speedy Cueta. Parce que Speedy Cueta, là, je sais pas ce qu'il a de Speedy, mais là, il en prend plus une. Mais qui retourne chez lui? Prend plus une. Les Speedy de Cueta, là. Et puis Gignac. Non, mais moi, Gignac, je vais te dire un truc. Merci. Gignac. Il en reste qu'une drôle de dame, mais c'est la meilleure, donc j'en ai rien à foutre. Gignac. Hier, moi, j'ai crié pendant tout le match, faites entrer Gignac. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il était là depuis 20 minutes. Là, ça m'a fait un peu chier. mais vous avez remarqué, il est très affûté. Hein, il revient de Merano. Attention, on a dit qu'il était affûté. On n'a pas dit qu'il était futé. Tu vois, c'est quand même deux choses très, très différentes. C'est qu'il a quand même toujours dans sa tête une espèce de regard un peu bizarre. T'as l'impression que dans son regard, il y a marqué qui a pris mon sandwich ou qui a éteint la lumière. Tu sais, c'est des mecs qui ne savent pas ce qu'il a. C'est comme si. Le mec, tu te demandes qu'avant qu'il rentre sur le terrain, il y a sûrement un mec qui lui dit hey, Dédé, 3x4 oh, merde, attends, 3x4. Et puis il y pense pendant tout le match. Et ça, c'est horrible pour lui parce que. Et puis c'est le mot, tu vois, affûté, c'est le mot qui est un peu à la mode. T'as pas remarqué que c'est un peu le mot à la mode? Maintenant, dès qu'un mec arrive, on dit ouais, il est affûté, le mec. Putain, il est affûté. Mais en fait, comme si c'est un nana à foutre qu'il soit affûté, le mec, ça suffit pas. Ils viennent de s'en apercevoir. Ah bah, il est affûté, il est toujours aussi nul. Mais si tu veux des mecs affûtés, mon pote, tu vas à Bichat, 3e étage. Tu demandes au professeur Schwarzenberg, il a tout 15 lits de mecs affûtés. Oh non. Ah non, mais ils sont affûtés comme des lames, les mecs. Hein. 3e étage, hôpital Bichat, service professeur Schwarzenberg. Et là, t'as une équipe de feu. Hein. Ils sont affûtés, mais alors, on dirait des lames. Hein. Gignac aussi, on dirait une lame, mais la chanteuse. Hein. C'est pas encore un couteau, mais c'est pas grave. C'est pas grave, enfin bref, c'est vrai qu'en même temps, Moi, Gignac, faut reconnaître une chose. On a tous envie que cette année, il fasse une belle saison. Et pourquoi? Parce que nous, on a tous envie que Daniel puisse nous montrer ses petites fesses de chérubin de Calabre, ah, poudré au talc, fouetté par Eric Dimeco qui n'a plus rousté un parigo depuis les années tapis. J'inviterai du monde à regarder. Et tout ça devant Gilbert Brigois, hagard, exulté, la bave aux lèvres. Lui, jamais avare de sévices corporels sur personne ligotée, ce qui explique sûrement ses week-ends répétés dans le château de la Fistinière, lieu privilégié des bondages et autres brûlures de tétons à la cire de bougie. Enfin bref, oui. Comme Gilbert, vous tous, moi, Polo, on a envie que Gignac marque 15 buts. Après qu'il marque 3 quintuplés en coupe contre le FC Bougival, l'Olympique de Saint-Nazaire ou le RC Lens. Peu importe, ça compte quand même et on va bien se marrer. Voilà, le RC Lens, hein, c'est ce que j'en pense. J'espère qu'ils vont remonter très vite. Je voudrais donc finir avec une petite chanson. Ah, une petite chanson quand même pour ce CSA. Sur l'arrivée des Qataris, parce que quand même... Bah, ça change tout, quoi. C'est quand même eux le plus gros transfert de la Ligue 1 cette année. C'est le Qatar sur une très belle chanson d'Indochine. Allez, musique! Turban, moustache, épaule rose, le tout nouveau prince du parc vient d'arriver. Exit Bazin, pince de crabe et sinistrose. Bienvenue à toi, chèque bidule, au nom compliqué. Allez, à bout le blé! Pour Sirigu et Pastore, allez, rien à cirer, pas assez cher, garde la monnaie, c'est le Qatar qui paye. Les joueurs vont arriver par milliers, c'est le Qatar qui paye. On va les surpayer, les pieds carrés, allez.